Vous écoutez Memento sur Radio Panique 105.4. Alors voilà, on vous l'avait annoncé au début de l'émission, le Memento a changé de formule. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez découvrir l'intimité musicale de Nero après avoir découvert leur histoire. Alors on va maintenant se balader dans le baladeur MP3 d'Eglantine, oui. Notre héroïne du jour. Alors Asma, avec quoi est-ce qu'on commence ? Alors Eglantine, elle a mis son MP3 en mode aléatoire et on est tombé sur une playlist assez éclectique. Et on va commencer par un petit son sympa d'un groupe français, un morceau qu'on a trouvé parfait pour le chemin vers le boulot le matin. C'est La Femme avec It's Time to Wake Up. Chez moi 2020. Je dis la vérité. La vérité. 2023. C'était It's Time to Wake Up de La Femme. Alors après la musique qui nous emmène au boulot, il y a évidemment la musique qui nous donne la patate pour la journée. Alors soyons honnêtes, on a tous cette petite chanson inavouable qu'on écoute pour se donner les courages. Eh bien pour Eglantine, c'est le titre qui vient, Give It Up de Casey and the Sunshine Band. À chaque fois qu'elle l'écoute, elle suit scrupuleusement la chorégraphie du clip que vous pourrez évidemment retrouver sur la page Facebook de Memento. Le tout en se brossant les dents et en faisant évidemment une tache de dentifrice sur le top noir qu'elle vient d'enfiler. Pardon. C'est Casey and the Sunshine Band, Give It Up. On vient de s'écouter Give It Up de Casey and the Sunshine Band. Alors maintenant, on va traverser l'océan pour s'écouter un groupe anglais qu'on ne présente plus, Oasis. Et quand elle était encore ado, Églantine s'est retassée en boucle le live de la chanson Acquiesce. Alors j'ignore complètement comment on prononce ce mot en anglais. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à l'écrire sur notre page Facebook. Merci. C'était Acquiesce. Ouais, on va le prononcer comme ça à la française. C'était Acquiesce de Oasis. Presque encore une fois, en live à Manchester. Alors, toujours dans l'iPod d'Églantine, on reste sur du live, on reste sur des guitares et on continue avec Alabama Shakes, Joe. Joe, Venez d'écouter Joe de Alabama Shakes. Pour le prochain morceau, on va revenir en Belgique avec le groupe Balthazar, un des groupes belges qu'Églantine garde toujours dans son MP3. Well, it is yo-yo, I suppose. I play like fashion comes and goes. I can't set my mind on you. And yes, I lied about those lovers, that they were just some kind of cover for the nights we used to share. I've seen this water lot before, still I cross it once more. I shook the hand of the boatman who would take me back along bridges I burnt, the bridges I burnt, bridges I burnt by now. I shook the hand of the boatman who would take me back along bridges I burnt, the bridges I burnt, bridges I burnt by now. And there are people taking bets, living all around the bed, for I can set my thoughts on you. And I reduced them to a scratch, you know, just some fucked up match for the nights we used to share. But I don't believe I care. I shook the hand of the boatman who would take me back along bridges I burnt, the bridges I burnt, bridges I burnt by now. I shook the hand of the boatman who would take me back along bridges I burnt, the bridges I burnt, bridges I burnt by now. attack me black when I'm rich as I fly. I shake the hand of the pilot man who attack me black when I'm rich as I fly. C'était Boatman de Balthazar. Alors après la Belgique, on va à Paris, mais on va à Paris écouter de la musique irlandaise, puisque dans ces grands moments de tristesse, Eglantine écoute Codaline, et elle écoute surtout cette version de High Hopes de Codaline qui se balade donc dans les rues de Paris en acoustique. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go, go out and start again. But it's not that easy. Yeah, but I got high hopes. It takes me back to where we started. High hopes. When you let it go, go out and start again. High hopes. When it all comes to an end, but the world keeps spinning around. Dreams, I meet the ghosts of all the people who've come and gone. Memories that seem to show up so quick, but they leave you far too soon. Naive, I was just staring at the barrel of a gun. And I do believe that. Yeah, but I got high hopes. It takes me back to where we started. C'était le lancinant High Hopes de Codaline qui va marquer la fin déjà de cette émission. Fin de cette émission qu'on va conclure avec un morceau de The Shoes, la dernière découverte en soirée d'Eglantine. Alors on vous remercie de nous avoir suivis et on espère que cette nouvelle formule vous aura plu. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook Memento, vous y retrouverez tous les podcasts de nos émissions ainsi que nos playlists YouTube qui reprennent tous les morceaux que vous aurez entendus à chaque émission. Et tant qu'on y est, j'aimerais remercier Corentin Lebouche et Nicolas Demoulin pour leur aide toujours aussi précieuse. Et en attendant notre prochaine émission, qui est dans 2 semaines, je vous souhaite une super fin de semaine et un bon week-end. Un week-end qui vous laissera le temps de méditer sur la citation de la semaine. Alors, on n'en connaît pas l'auteur, malheureusement, mais on s'est dit qu'elle plairait bien à Eglantine, hein, Arthur. 3 millions de Français réclament du travail, c'est de la connerie, de l'argent leur suffirait. Et voilà, tout de suite, comme promis, 2 Shoes avec le morceau Drifted, resté sur Radio Panique pour Réservoir Dub. There's too many people dreaming the play. Fell in love with a girl after she ran away. Now I get tired of being alone on my own, drifting on play. Fell in love with a girl after she ran away.